Chapitre 8e. Un après-midi de septembre, Martha et Marie étaient toutes deux chez leur patronne, à leur ouvrage. Vers 5 heures, Martha remonta du rez-de-chaussée où se trouvait la buanderie. Madeleine leur proposa alors un café avec quelques calissons. Et elles s'installèrent toutes les trois autour de la table de la cuisine, comme trois bonnes camarades. Quand elles eurent pris leurs aises et bu quelques gorgées de café, Madeleine posa ses longues mains bien à plat devant elle sur la table, se rengorgea un peu pour se préparer à prendre la parole. « Bien, commença-t-elle, je sais que je passe souvent pour une niaise et une aveugle parce que les gens croient que je ne me suis jamais aperçu que mon mari me trompait. Sachez que je l'ai toujours su, car sa première maîtresse, c'est moi-même qui l'ai poussée dans ses bras. Eh oui, ça vous étonne, hein? Ce qui veut dire que je suis loin d'être une demeurée, et que je vois et comprends beaucoup de choses. » Les deux femmes en face d'elle ne savaient quelle contenance prendre. Elles comprenaient bien que quelque chose de décisif allait arriver, mais quoi? « Nous allons commencer par vous, Martha. Vous ne me l'avez pas dit, mais je sais que vendredi matin, le jour de la mort de mon mari, vous êtes venue ici, certainement peu après que je sois partie. Vous êtes entrée avec votre clé pour laisser une corbeille de linge propre que vous avez posée derrière la porte. À ce moment-là, Morel était dans la maison. Je pense que si vous l'aviez trouvé mort, sans être allé chercher du secours, ça aurait été un grave délit. Mais cela ne vous ressemble pas, Martha. Alors vous avez dû voir mon mari en allant dans la chambre pour essayer de refaire le lit. Ou bien vous avez dû l'entendre s'il était levé. Mais vous n'avez rien fait d'autre dans la maison alors qu'habituellement vous rangez la vaisselle de la veille. Vous êtes parti précipitamment. Pourquoi ? Madeleine fit une pause sans lâcher du regard Martha qui resta muette. Elle savait qu'un arrêt ne ferait qu'augmenter la tension. Puis, lentement, elle reprit. « Vous ne m'avez rien dit de cela, et je crois savoir pourquoi. Mon mari n'était pas seul, et vous avez voulu me le cacher pour ne pas me faire de peine. Martha, vous allez maintenant me dire toute la vérité. J'attends. » Martha baissa la tête et devint très pâle. Elle se racla la gorge avant de déclarer, d'une voix blanche, « C'est ça, Madame Morel, votre mari n'était pas seul. Il riait comme un minot et il devait courir dans l'appartement. Je n'ai rien vu parce que je ne suis pas sorti de la cuisine. Et puis, allez, Martha, continuez, » demanda Madeleine d'un ton coupant. « Et puis j'ai entendu des cris de femmes. Il devait les courir après pour s'amuser. Moi, je ne voulais pas me mêler de tout ça. Quand j'ai entendu qu'il venait vers ici, j'ai filé sur le palier et j'ai refermé la porte. C'est tout ?» « Oui, Madame Morel, je vous ai dit la vérité. »« Et cette voix de femme, vous n'avez pas pu la reconnaître ?»« Non. » Madeleine claqua le bois de la table du plat des mains, puis, avalant sa salive, elle se tourna vers Marie. « À vous maintenant, ma fille. »« Vous non plus ne m'avez pas dit la vérité. Vous êtes venue aussi vendredi matin. Il est possible que vous ayez été toutes les deux dans l'appartement d'ailleurs. Vous avez eu le temps de repasser une chemise, une seule chemise. » « Vous savez, Martha, celle qu'on a mise à mon mari. Mais vous vous en êtes arrêtée là, Marie. Vous non plus. Vous n'avez pas pu ne pas remarquer que mon mari était dans l'appartement. Martha, vous n'avez pas vu Marie ?»« Non, madame. »« Bien. » Toujours est-il que si Marie n'était pas dans la cuisine, c'est qu'elle était dans le reste de l'appartement. Et la voix que vous avez entendue, Martha, c'était celle de Marie. Madeleine ménagea une autre pause. Les deux femmes étaient blêmes et auraient donné beaucoup pour ne pas être là. Martha avait volontairement refusé de reconnaître la voix de Marie. « Pas elle, s'était-elle dit. » « Continuons, Marie. Vous étiez donc dans l'appartement et Morel vous poursuivait de ses avances, j'en suis quasiment certaine. Alors, je dis vrai, n'est-ce pas ?»« Oui, oui, madame, » balbutia Marie d'une voix à peine audible. « Vous vous êtes finalement réfugiée dans la cuisine, » le menaçant peut-être d'ameuter tout le quartier s'il continuait. Une seconde avant, Martha venait de partir. Marie acquiesça. Martha regardait tour à tour les deux autres femmes avec un étonnement mêlé d'effroi. Madeleine, le visage dur et fermé, continua. « Vous avez fermé la porte de la cuisine donnant dans le couloir, enfin, peut-être, et vous vous êtes installée pour repasser. Vous avez rempli le fer de braise et saisi le premier vêtement, une chemise de Morel, justement. » Marie confirma de la tête. Au moment où vous alliez prendre une autre pièce, Morel est entré subrepticement dans la cuisine. Il était déjà en bonne position et... « Il m'a soulevé les jupons et a tenté de me violer !» cria Marie. « Je le sentais déjà contre mes fesses, c'était affreux. Alors je l'ai repoussé, en colère. Un peu trop fort. Il a perdu l'équilibre et il est tombé sur le coin de la paillasse. J'ai vite compris qu'il était mort, » termina Marie, en larmes, avec de gros spasmes. « Pourquoi n'avez-vous pas appelé ?»« Vous vous imaginez la scène, lui, les parties à l'air, dans cette cuisine, seul, avec moi ?» On aurait dit que je l'avais provoqué, que je suis une putain, et je ne sais quoi encore. Et mon Cyprien, qu'aurait-il cru? Tout aurait été de ma faute. Ce n'est pas faux ce qu'elle raconte, intervint Martha, prenant la défense de sa camarade. C'est toujours le petit qui a tort. Je vous l'accorde, Martha. Sauf que Marie ne dit pas la vérité, encore une fois. Je vais vous dire, moi, comment cela s'est passé, déclara Madeleine, très calme. Marie laissa tomber sa tête sur la table et se cacha le visage de ses mains. Vous vous êtes brusquement retourné et vous avez frappé Morel à la tête avec votre fer. C'était un réflexe naturel. J'aurais peut-être fait la même chose. Comment je le sais ? Interrogea-t-elle. Votre fer a perdu juste un tout petit peu de cendre. Quelques grains sont restés sur la chemise de Morel. Devant le silence de Marie, Madeleine ajouta : Je vois que j'ai raison. Vous vous êtes vite aperçu que vous l'aviez tué quand vous avez vu le sang qui s'échappait de sa blessure. Marie était secouée de sanglots silencieux. Son attitude était plus explicite que des aveux. Il restait à cacher votre geste. Et c'est là que vous avez fait preuve d'une grande intelligence, Marie, presque du génie. Il y avait du bon à prendre dans l'hypothèse de la chute. Vous avez vu que la tête de Morel n'était pas loin du coin du potager. Alors vous avez trempé un vieux chiffon dans le sang de la tâche et vous en avez maculé l'angle de fer. Ce chiffon, je l'ai retrouvé tout au fond de la poubelle le soir du samedi. Vous vous êtes souvenu de ce que je disais toujours à Morel. « Asseyez-vous pour enfiler votre pantalon. Un de ces jours, vous allez vous casser la tête. »« C'est vrai, » murmura Martha. Alors vous êtes allé chercher un pantalon et vous l'avez mis dans la main de Morel. Bien joué. Sauf que vous vous êtes trompé de côté. Tel que Morel tenait son pantalon, il n'aurait jamais pu l'enfiler. C'est d'ailleurs ce tout petit détail qui a déclenché tous les doutes. Seul problème encore, Marie. Le corps était juste un peu loin de l'angle du potager. Alors vous avez fait glisser Morel sur les tomates. Oh, de quelques centimètres seulement, qui ont dû vous demander beaucoup d'efforts. Mais la peur décuple les moyens. C'est de là, Martha, que venait la traînée de sang dans le dos de la chemise, vous vous souvenez ? Martha, bien évidemment, ne répondit pas tout de suite. Après 3 secondes, elle se hasarda à avancer un « mais circonspect et prudent ». Mais il fallait quitter l'appartement, c'est ça, Martha, en laissant la clé à l'intérieur de la porte. Madeleine se leva, toujours impavide, et se rendit près de la fenêtre. « Venez, venez, je vais vous montrer comment a fait Marie. » Cette dernière ne bougea pas, ce qui constituait encore un aveu. Marie est souple, intrépide, et n'oubliez pas qu'elle avait tous les sens en éveil. Elle est donc passée de cette fenêtre à celle-là, qui heureusement ce jour-là était ouverte, au risque de se rompre le cou. Elle s'est retrouvée dans la cage de l'immeuble voisin, par où elle est sortie sans être vue. Martha ne savait plus quelle contenance adopter. Le réquisitoire de Madeleine était sans faille, et l'absence de réaction de Marie montrait qu'elle ne s'était pas trompée. « Venez, » dit Madeleine. « Rasseyons-nous, c'est fini. Encore un peu de café ?» Personne ne répondit. Les deux femmes étaient comme statufiées. Marie semblait attendre que son sort fût scellé. « Vous voyez ?» continua Madeleine. « Pour quelqu'un qui ne voit rien, qui ne comprend rien, je ne me débrouille pas mal, non ? J'ai mis un peu de temps, c'est vrai, mais je manque d'habitude. » Une longue minute s'écoula. Finalement, Marie releva son visage ravagé. « Qu'allez-vous faire, madame ? » demanda-t-elle d'une voix méconnaissable. « Ce que je vais faire, » reprit Madeleine, avec cette fois un fin sourire. Elle laissa passer 2 secondes, puis laissa tomber. « Mais rien, ma bonne Marie, rien. Je ne vais rien faire. Ce que vous avez commis n'est pas un meurtre, et encore moins un assassinat. Disons que c'est un accident regrettable, de la légitime défense, en sorte. » Elle se leva et mit les tasses dans l'évier. De dos, elle déclara « Ce ne serait pas la même chose si vous tuiez à chaque fois vos agresseurs. » Elle alla derrière Marie et lui mit les mains sur les épaules, d'un geste protecteur. « Disons que cela restera un secret entre nous trois, » un secret pour la vie, jusqu'à notre mort, le secret des trois M, Marie, Martha et Madeleine. » Marie tourna la tête et darda sur Madeleine un regard profond, comme si elle eût voulu atteindre son cœur. « Madame, si vous saviez combien je regrette ?» commença Marie, les yeux pleins de larmes. « Et lui, vous croyez qu'il aurait regretté ?» s'emporta Madeleine. « Allez, ne vous torturez pas. Vous n'allez pas me faire encore une grosse fièvre. C'est cela aussi qui m'a mise sur la voie. » Madeleine maintint sa pression sur les épaules de Marie. « Et puis, pardonnez-moi de vous avoir tourmenté. Je ne voulais pas vous mettre à la torture, mais seulement être sûr que j'avais découvert la vérité. Le reste m'importe peu. » Marie sembla se calmer lentement et Madeleine reprit « Désormais, j'ai assez de moyens pour vous employer toutes deux à plein temps. Vous vous partagerez les tâches comme il vous plaira, pourvu que je sois bien servi. Et sachez que je ne vous refuserai aucune augmentation, pourvu qu'elle soit raisonnable, bien sûr. Et puis nous partirons d'ici pour tout oublier et recommencer une nouvelle vie dans un endroit plus agréable et calme, de l'autre côté du cours, tiens, pourquoi pas. Après, nous aviserons. Peut-être que Marie se mariera, dit-elle en penchant la tête vers elle. Martha s'arrêtera probablement de travailler. Je ne peux pas me le permettre, madame, bondit Martha, alarmée. Mais si, vous pourrez. Vous deviendrez madame de compagnie, hein? Après tout, pourquoi pas? Vous avez bien le droit de vous embourgeoiser, non? Madeleine se sentait bien. C'est ainsi que ce secret unit ces trois femmes dissemblables plus étroitement que les doigts d'une même main. Fin du secret des trois M.